Je veux voir le soleil chantonner sur ta peau, caresser ardemment de ses rayons dorés la courbe des épaules et le creux de ton dos, glissant sur la ceinture de fleurs décorées. Je veux entendre le vent siffler dans tes cheveux, soulever sur tes seins un peu de sable fin. Et je veux voir la mer miroiter dans tes yeux lorsque le cri d'une mouette les fais ouvrir enfin. Veillerai alors d'une tendre attention à ce qu'aucun ballon ne viennent te les ranger. Et quand de la chaleur tu auras eu ration, dans le frais des flots nous irons nous plonger. Tenue.